L'apostrophe, l'émission sur RGB 99.2. Prochainement, à l'affiche. Monique Hervouette, notre nouvelle invitée, metteur en scène du spectacle « La Mante anglaise » de Marguerite Duras. Alors, la question qui me vient un petit peu immédiatement, surtout après vous avoir écouté attentivement quand vous étiez sur scène à l'occasion de la présentation de saison 2016-2017 tout à l'heure au Théâtre des Louvrais, Duras, Hervouette, Hervouette, Duras, comment s'est fait la connexion? Je recite dans le texte Jean-Joël Le Chapelain. Alors, j'avais monté, il y a une vingtaine d'années, l'Eden Cinéma, qui m'avait d'ailleurs valu le privilège de rencontrer Marguerite Duras. Et puis, l'Eden Cinéma, c'est une adaptation de son histoire personnelle, Le barrage contre le Pacifique, etc. Une adaptation théâtrale. Et puis là, je suis revenue à Duras avec deux textes, ce texte de La Mante anglaise et La pluie d'été, également. Je pense que Marguerite Duras, après ce qu'on a pu un peu considérer comme une posture irritante qu'elle a eue à la fin de sa vie, je pense qu'il reste maintenant l'immense écrivain qu'elle est, tout à fait initiatrice d'un style et tout à fait initiatrice aussi d'une profondeur envoûtante de questionnement de l'âme humaine et particulièrement évidemment de l'âme féminine. Oui, parce que à la fois femme de théâtre et de cinéma aussi, puisque là, son écriture s'est prolongée pour ces deux formes artistiques, féministe et politique, car son propos est éminemment politique. Enfin, son propos à travers des postures individuelles qui sont des postures rebelles ou des postures de désaccordé du monde qui cherchent sans fin à trouver la voie ou à s'écarter de la voie du consensus social. Mais c'était une femme politique, mais on ne peut pas dire qu'à proprement parler, son propos dans ses textes soit immédiatement lisible comme politique. Ceci dit, c'est une femme de liberté, c'est une femme d'un grand pourquoi pas, qui questionne complètement les destins individuels, collectifs, de façon très, très profonde et très singulière. En tout cas, on parle de La Mante anglaise. Au départ, tout est parti d'un fait divers criminel qui remonte, je crois, aux années 60. Non, qui date de 1949. Voilà, je me corrige tout de suite. Par contre, elle en a fait une pièce qui s'appelait Les Viaducs de la Seine-et-Oise, qui, elle, a été montée en 1960 par Claude Régis au théâtre, et il semblerait qu'elle n'était pas satisfaite de la version qui avait été mise en scène par Claude Régis pour revenir sur cette histoire. Oui, c'est-à-dire qu'elle a commencé à aborder le théâtre dans ces époques-là de façon assez naturaliste, assez réaliste. Et puis ensuite, elle a compris que le miracle du théâtre, c'est la parole, la force de la parole en direct. Et à ce moment-là, elle s'est débarrassée de tout un tas de scories réalistes, naturalistes, pour aller au plus profond des êtres, des locuteurs, dans la présence de la parole et dans la présence... La Mante anglaise, qui est donc la suite, a été montée 4 fois par Claude Régis, toujours avec Madeleine Renaud, mais souvent avec des personnages masculins différents, entre Pierre Dux, Michael Lonsdal, etc. Et c'est un des très très très grands succès, je dirais même mythique, de Madeleine Renaud. Alors, explication de texte tout de même, d'ailleurs vous l'avez livré un petit peu tout à l'heure sur la scène du Théâtre des Louvrais. La Mante anglaise, au départ, est-ce que c'est un jeu de mots? Est-ce qu'il y a eu une volonté de mal orthographier ce qui était phonétiquement annoncé comme la Mante anglaise? Oui, parce que normalement c'est la menthe, la plante. Et il y a une variation de menthe poivrée qu'on appelle la menthe anglaise. Et effectivement, l'héroïne, Claire Lane, qui est donc la meurtrière, hein, qui est donc l'auteur d'un fait divers absolument sordide, comme souvent le sont les faits divers, et d'autant plus inattendu qu'effectivement elle était tout à fait d'un abord tout à fait entre guillemets normal et banal, et elle a commis une horreur. Et cette femme qui est, comme souvent les héroïnes de Marguerite Duras, qui est décalée, déçue par la vie, qui n'a pas conduit un épanouissement personnel là où l'attendait, enfin attendait ses espérances, voilà, et cette femme s'est réfugiée dans son jardin, dans une sorte d'autisme social qui l'amènera dans la douleur jusqu'au crime. Mais voilà, et elle écrit, elle trouve une communication avec les journaux, elle écrit au sujet des plantes, du jardin, et effectivement, elle n'est pas fortiche en orthographe, donc elle se trompe et elle appelle cette plante la menthe anglaise, mais c'est un jeu de langage très joli, en même temps très poétique. Elle qui n'a jamais eu d'épanouissement amoureux, effectivement, c'est joli qu'elle attribue à sa passion de jardinière un glissement vers la menthe au sens amoureux du terme. Comment s'appelle-t-elle ? Pardonnez-moi. Marguerite Duras était fascinée par une autre femme qui a peut-être nourri aussi sa fascination, dit-on, pour ses affaires criminelles. Elle adorait Agatha Christie, et comme elle était fascinée par le côté ordinaire du crime, et plus particulièrement encore par la banalité apparente, seulement apparente, de la personnalité des criminels. Est-ce que ça nourrit, effectivement, ça se traduit dans la pièce ? Complètement. D'ailleurs, on a tort de penser qu'Agatha Christie soit une écrivaine de gare. Hein. C'est vraiment un très grand écrivain qui est allé fouiller de façon très, très crue, très, très implacable, effectivement, la part d'ombre qu'il y a en chacun d'entre nous et la capacité, effectivement, nous sommes foncièrement capables de tout. Et donc, il y a une lutte en nous pour réfréner, effectivement, toutes nos pulsions. Je dirais même que c'est presque une fonction du théâtre de nous montrer combien il y a en nous une part d'ombre, comme le soulignait Agatha Christie ou Simenon, à travers ces faits divers qui nous passionnent encore. Hein, l'affaire, nous, moi, je suis nantaise et nous avons l'affaire de Ligonès. Hein, moi, j'y pense. Est-il vivant? Est-il mort? C'est complètement incroyable que ce type est mis en scène, parce qu'au-delà du crime, il y a toujours la question de la mise en scène. Et ici, Claire Lanne, elle commet le crime. Ensuite, il faut qu'elle se débarrasse du corps, donc elle le coupe en morceaux. Elle va porter chaque nuit un morceau qu'elle jette au-dessus d'un viaduc lorsque passe un train de marchandises. Je veux dire, il y a une sorte de mise en scène et de folie qui continue dans comment fait-on après avoir commis le crime. Et ça, je pense que des personnalités comme Marguerite Duras ou Agatha Christie sont intéressées de savoir quelles sont donc les limites que l'on peut s'autoriser à franchir par désespoir, par détresse, etc. On est capable de beaucoup de choses, et je pense que le théâtre est un des endroits où on peut effectivement apprendre combien en nous il y a cette capacité à maîtriser pour éviter évidemment l'impossible et le pire. Mais enfin, c'est une chose qui est dans l'âme humaine, quoi. Oui, ça veut dire qu'on irait jusqu'à sublimer des actes criminels ? Oh non, pas du tout. Non, pas du tout. Mais je pense que c'est intéressant de comprendre, d'essayer de comprendre le pourquoi. Et en fait, Marguerite Duras se base sur un fait divers réel, en effet, et la meurtrière n'a jamais pu expliquer pourquoi elle avait commis ce crime. Et en s'intéressant à ce texte, Marguerite Duras nous dit... Claire Lanne ne peut pas dire pourquoi il a tué sa cousine Marie-Thérèse Bousquet, et moi je cherche pour elle, avec elle et pour elle. La pièce est construite sous la forme de deux entretiens, ceux qui font le spectacle, trois personnages. Il y a le mari, vous avez cité, Pierre Lanne, la meurtrière, Claire Lanne, Et un homme, alors on ne sait pas ce qu'il est précisément, quel est son statut, quel est son... en tout cas, il interroge, c'est lui qui va mener les interrogatoires ? Oui, c'est ça. Et en fait, oui, elle dit assez vite, il n'est ni psy, ni magistrat, ni flic. Moi, je pense que c'est elle ou c'est nous-mêmes, nous, spectateurs. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'elle nous met dans la posture de mener nous-mêmes, d'une certaine manière, l'investigation pour avoir notre avis, pour essayer d'édifier nous-mêmes le dossier des circonstances atténuantes ou pas. Voilà, elle nous met dans cette position, parce que le mari, évidemment, au début, il s'en mêle un peu les pinceaux, parce qu'il n'est pas très à l'aise avec tout ça. Il peut être accusé de non-assistance à personne en danger. Donc on voit comment naît la parole en direct de justification ou de recherche éperdue, de s'innocenté, etc. Et ça nous donne, avec l'entretien du mari au début, une scène d'exposition qui n'est pas que cela, c'est-à-dire qui nous entraîne aussi dans l'attention du témoignage, de la déposition. Et qu'est-ce qu'il faut prendre dans une déposition ? Et le spectateur est en état de chercher la vérité de tout cela. Un spectacle, une pièce, sans décor, sans costume, ai-je lu ? Oui, enfin, c'est-à-dire que Marguerite Duras était radicale et qu'elle nous met une didascalie d'entrée en disant qu'il faut jouer devant le rideau de fer fermé dans un petit théâtre, la salle allumée. Alors nous, on a mis un petit bémol à tout ça, mais enfin quand même, on est dans cette rigueur minimaliste. Et non, nous, on éteint la salle, mais et puis on a un petit dispositif quand même pour un peu centrer l'attention et favoriser ce mystère magnifique de la prise de parole de ces gens qui semblent nous parler en direct. Avec l'idée, effectivement, d'une petite forme théâtrale à jouer presque partout. Vous allez être en itinérance, c'est ça ? Oui, on va être en itinérance et on va être dans des lieux très divers, y compris des lieux, le bar d'un théâtre, le hall. Enfin voilà, ça s'installe n'importe où. On l'a joué en médiathèque, on l'a joué aussi dans des vrais théâtres. Tout est possible. En même temps, on a parlé effectivement de cette histoire tirée d'un fait divers criminel et vous avez dit dans votre note d'intention ici, pas de complaisance malsaine ou mercantile, de l'humanité pure. Parce que c'est intéressant pour ceux qui vont venir découvrir cette pièce. Oui, ça c'est une réaction un peu à l'égard des reality shows, si vous voulez, hein, des émissions de télévision qui cherchent un peu rapidement l'effet sordide, le sensationnel, etc. Et justement, Marguerite Duras dénonçait le fait qu'à travers les jugements de ces personnes, on allait vite, on allait trop vite, on était trop rapide sur les faits, trop uniquement focalisé sur les circonstances des faits et non pas sur les mobiles très profonds, etc. Et là, elle prend le temps de cette humanité-là. Et alors, elle dresse avec Claire Lane un personnage extrêmement joli, poétique, drôle même, étonnant, étonnant. Elle sort de prison pour nous parler et elle développe progressivement, dans les 40 minutes de son entretien, un univers poétique où le style de Marguerite Duras fleurit de façon époustouflante, vraiment. Merci Monique Kerouette, ce metteur en scène, je disais donc, du spectacle L'Amante anglaise de Marguerite Duras, qui sera à découvrir au cours de cette nouvelle saison 2016-2017 à l'apostrophe, ici à Cergy-Pontoise. Merci à vous. Merci.